fi mir legui nga bëgg xam nak exactement ñom luñu wax bu boba dañ daan déllu ci yoy téré niki nonu leg leg ñu déllu ci téré bu dé maliké mu rahmatullah moy sharah muhtasar khalili ci lañ daan ñom parce que sharah muhtasar khalili ñom ñoy téré yi nga xamantene ñom ño vraiment ño léral mushaf maliki rahmatullah même bu fekkante ne ak istiskar mus nañ ko xol ñaar yoon xamu ben yoon bu imam al hafiz ibn abd al bar awal at tamhid tam rahmatullah alayhi mais sino da ñuy faral di delu ci téré bobu wala ci téré yoy niki non moy budé mazhab maliki amma su dé mazhab shafi'i mom al majmu' imam an-nawawi mom mom mo nekkon priorité bi rahmatullah ak tamit parfois li nga xamantene mom al ayni rahmatullah dina wax ni anna hafiz shafi'i nenañ di shafi'i nenañ di effectivement day toxal day dan faral di toxal waxu an-nawawi wala kenen ci ñom rahmatullah alayhi al mawardi wala yoy donc ñu xamné kon li moy mazhab shafi'i wala al ghazali wala rahmatullah alayhi mais souvent manam buñu xawé leunt rek dañ nan xaar ñu xol an-nawawi lu mu wax parfois tamit sharh sahih imam muslim bu an-nawawi rahmatullah dan nañ ci delu pour xol est ce que waxul ci lolu ci point bo parfois amma li nga xamantene mom moy mazhab hanabila mom rahmatullah alayhim kok al mughni lañ ci dan delu buñu mbir mi leunté waaw wala muhtasar al khuraqibi ci bopam moy ciosan bi parce que mom la sharh rak mom al hafiz ibn qudamah rahimahullah mom la sharh ci al mughni donc yoy souvent ci lañ dan delu comme wala parfois tamit ñu delu ci téré bi ñu wax al fiqh ala al madhahib al arba'a bu al jaziri astaghfirullah al jazairi abd alrahman al jazairi rahimahullah nga xamni cheikhul azhar la won ci siècle bi pers bi ñu genn nekkon manam borom xox bu mak bindon téré bobu al fiqh al madhahib al arba'a leral ci manam vraiment yenn détail yoy parfois tam ñu delu won ci pour bu mbir mi buñu vraiment buñu xolé masala bi ci yenen ki té amuñu ci vraiment lu gëna dëgeer lu gëna leer ñu delu ci bobu pour mu xol ba xam vraiment mom lan la wax ni lool moy mazhab shafi'i wala moy mazhab hanabila wala moy mazhab hanafi et cetera ñu delu ci wat wala mazhab maliki rahmatullah leg leg tamit don nañu delu té d'ailleurs souvent sax bokku na sax ci téré yi gëna yiñ daan gëna xol parfois moy bu imam bu az-zuhayli moy wahba imam bobu rahmatullah az-zuhayli moy manam moy faqihul asr borom xam xamu jamono ji ci fiqh mom la wala bok moy ki ci gëna mag wala bok ci ni ci gëna mag la bok ben syrien la bind na nak ci téré bok na ci téré bi ni moy al fiqhul islam islami wa adillatuhu nangam mo téré bok non nga xamanteni ma sha Allah su doon ne da ko su doon manam changer na syntaxe bi ni ñu ko doxale konontone do na nek téré bi manam bok ci téré yi gëna mat ci téré fiqh yi nga xamne mom la bind mais mom lañu bind mais parfois day am problème syntaxe bi ni muy dox ki affaire manam pour nga tak limu wax day xawa jafé ndax nimu ko ordonné manam nimu bindé affaire bon gis na né nak limu gëna maîtriser moy mazhab hanafi mom la gëna maîtriser rahimallah rahmatullah donc souvent parfois suñu amé problème ak mazhab hanafi manam duñu xamuñu ban tank lañuy fécé ci seen mazhab bi rek dañu faral di bellu fof souvent dinañ gis né mom dina def ben ségg ci lolu non donc yi dal ci gattal moy téré ñu gëna jëfëndiko leg leg nak mu am yenen yo xamné parfois leg leg yenn hadith yu ñu bëggoon cité ci biir daf ñuy dañuy xol ndax ak wërëm ak ñak wërëm et cetera tout ça bu suñu xel démé parce que parfois du tout temps la ci suñu xel di dem mais suñu xel démé rek ñu dem ci yenn téré takhrijat yi nga xamantene comme al badrul munir bu ibn al mulaqqin ak comme al imam bu fi ta'rif ahadith al ahkam bu al imam ibn daqiq al aid rahimahullah and ak parfois li ñu tuddu al imam al hafiz ibn daqiq al aid rahimahullah and ak lolu yeb daaru ñuy di delu ci tamit ci sharh bi mu def al udda wala al ahkam fil ahkam bi mu def ci téré wu bi mu sharhawe umdatul ahkam bi dawna sharh na umdatul ahkam amana moy sharh bi gëna deugër mais daaru ñu ci delu parce que tamit bon souvent jot bi duñu ko may wala dañ koy faté wala yu déme non ala kulli hal li mo mo nekkon suñu ci gattal dal bu dé ci walu fiqh li mo nekkon suñu méthodologie ci yi mo nekkon dal téré yi nga xamné vraiment manam mom lañ dan délo ba taxna nak charge bi nga xamné def nañ ko en tout cas ci kitabu tahara amana wax dug yalla ma manam dañuy sante yalla rek alhamdullilah mais gisaguma même téré buñu bind bo xamantene sharh bi manam yaato na nonu te léra na non waaw video ni riya waaw tamit alhamdullilah sauf que nak amna ben problème bo xamantene dina ko souligner ci sharh bi ci li biñu def et surtout par exemple masalan subhanallah xolal masalan babul hayd manam babul hayd ngay xol wala téré bi babul firmasi wa ghairi boba di nga gis ni effectivement ki lim wax ni lolu deug la ndax ñaari téré yoy dañ vraiment bok ñaari buntu yoy bok na ci buntu yi ngeena ségg bok na tamit ci buntu yi ngeena yaatal wa leg par exemple babul hayd par exemple bo xolé niñ ko tambalé introduction bi ni mu kiyé ak niñ ko léralé di nga gis ni wan nga dem ci téré fekk mu léré non duñ né amut mais en tout cas niwnu wa niki nonu tamit niwnu tamit foy démé gis ko ci manam bëgg jangou téré dem fekk fuñ ko fa waxé waaw mu léré non yaato non bu paré précisé non mi wana foy dem fekk fuñ ko fa waxtané sax ci digënté sériñu wolof yi ak arab yi manam waxuma bur wolof yi kessé arab yi ak ñepp ci lañ bok lool mi wana dañ koy wax nak parce que dañuy def comme ni imam abu daud rahimahullahu ta'ala wax ñu bindé téré ba paré dani sama téré bi boko xolé doy ne le seuk pour nga xam sunna yenente bi sallallahu alayhi wasallam manam wax dañ koy wax tamit pour leral parce que amna ño xamné bo len leralul lool duñu xam porté bi duñu xam jariñ gi ci nek duñu xam jariñ gi ci nek bi nga xamantene nak ah bu fekkontene nak xeyna daño dañuy amale ay walu manam ay ngistel ak ay deggutel ak ay yemu yo yemu sa bop ak yalla nanc yalla musul bu doon yoy da manam wolu wuñu ne dinañ ko ci fekkale kononton duñ ko wax waye nak alhamdullilah yalla kom dindi na lolu ci ñun alhamdullilah ah ñu dañuy man dañuy top tank imam yoyu ci walu gogu te yaakar me yalla dina ci jariñe parce que tamit amna benen té d'ailleurs xolal cheikh omar radhiyallahu anhu bind remark tamit loolu la wax bind nako tek ko ngir jariñ ci sama yi manam jariñ ci ñi nga xamné ñoy sama mbokk ak mbokk talib ak kepp ku yalla bëgg nga jariñu ci et cetera topal non borom téré yu bari dañ koy faral di def loolu wa né téré bi dé bokk manam ci buntu bi mom han ah téré bu ci bax la bo ci boko té boko jangé di nga mëna dana la doy et cetera manam kon sauf que nak amna problème yu am ci téré yu am ci suñu sharabi té peut-être bi yu ci gëna mag moy manam rëkk yi fay yu ci gëna mag moy par exemple le fait que buñu tari ben aya en fait comme que dañuy manam benn bëss té loolu boko sétlo di nga ko xam moy benn bëss mëss nañu tok ñu commencé babul ci buntu tayammum hadith bu ñëkk bi ñu am manam ñu commencé sharh manam yexi ci masala yiñ ci jàngé bo sétlo di nga gis ni biñ ko ñëkke def té instrument ba baaxulul dañ ka reprendra mais bo sétlo ñaari façon yu bokul niñ ko défé di nga gis ni peut-être masala yépp dikat nañ mais niñ ko ordonner bokul peut-être et cetera parce que ak parfois yenn nak moy duñ ben tamit manam lolu tamit li tax moy da fekk ne manam comme que lutax nak ñu préférer di wax nonu ci suñu mokalte duñu bind duñ ko bind et cetera li tax moy lolu méthode la bo xamantene dañu fekk manam borom xam xam yu makki rahmatullah alayhi ñom non lañ doon doxale donte bu fekkentene nak masalan jang ci téré la dañuy cimetière bi mais budul lolu budé dañuy sharia lu démé nek hadith ni wala yoy souvent non lañ doon doxale té fa tashabbahu in lam takunu mithluhum in tashabbaha bir rijal falah bo leen melul ni ñoom tamit dé leen doxale ni ñoom légui yalla bo leen ci ñoom ci ñoom wala mu mello leen ni ñoom wala bu ko di mudit en tout cas de toute façon bénéfice rek la ak téxé rek la ala kulli halin manam leug leug ay ñu tariko mu nek ay yu ñu mokal sax mais ñu ciy joom ci niñ koy waxe wala yoy wala parfois tam hadith yi parfois ñu gatt ci gatt bo xamantene amana xeyna manam buñ ko tari manam juste parfois wala ñu waxe ko nudul non ci yenn nak mais lool du influer ci wax ji ci bopam influer du influer ci sens bi mais njumte lay don parfois comme lu demé nek ayatul wudu bi ya ayyul ladina amanu naka la ko waxate sax ok dug nga pare guñu sax commencé wa ya ayyul ladina amanu idha qumtum ila salati faghsilu wujuhakum par exemple fofu dañ gis ne dañ don manam au lieu amna ci parti bu début bi dañ doon wax faxlu bi wujuhukum ant ak xamne ni wujuhukum lañ doon wax ba ila al marafiqi parfois ñu ne ila al mirfaqaini manam njumte gogo manam ñu erreur de frappe la même boudé dafa répétitif quand même erreur de frappe mais yu graw la parce que au moment où ci alquran la aju aman nak lolu bok na ci fay yi gëna mak bok na ci fay tamit yi gëna mak manam moy tamit bo démé ci hadith yi mais hadith yi c'est plus rare ci hadith yi que voilà Waouh, subhanallah. Beaucoup de gens qui ont été faillis, moi, parfois, bunyi wax, manam bunyi nekke ci benn masala dañuy jeki faté manam benn dalil bu am solo pour ñeneen ñi manam pour ñeneen nak ñi après dañuy dem ba ci biir do ko fatelako parfois dañ koy indi wat souvent d'ailleurs sax dañ koy indi wat dañ ni wala faté won nañ ni ñe tamit waxon nañ nangam donc lolu comme ko bëgg mo xam bindu wala leneen dang koy ranger wat famu ne manam hein da ngay jëlat place bu lu nek nga jël ko da arrange wat ko bu mu ordonné wu ci côté bobu ci walu gogou non parfois tamit bokku na ci yenen fay sax d'ailleurs même ci erreur yi moy expression yi comme tayer buñu wax taharatul kubra ak taharatul sughra wala al hadathul akbar ak al hadathul asghar par exemple ñu joom ci ni ñuy waxé mbob par exemple yoy non koku joomte lay wax xamné bu graw na ci lang tor mais peut-être du influer ci manam ki bëgg xam li ñu wax manam ki bëgg xam liñ ci jublu kok mom du ko yaqal lu bari te amana loolu mo gën wa dañuy leral tamit manam erreur yoy doon parce que tamit pour nit ki bañ ci disukandiku torop wa ala kulli hal dañuy yaakar ne comme li way kat waxon waman illadhi yurja sajayahu kullaha kafal mar'u nublan an yu'addu ma'aribu manam kan moy ki nga xamne moy leppum dañ nan parfait na ma sha Allah parfait na parce que day na ñu ne diiw kat baxna moy ñu mëna lim ay ayibum manam bis bo mëne ni diiw kat mom day defo sangam moy li moy defoum ak nangam mais nga mëna leena lim moy nak du nit ku bon parce que bu do nit ku bon do mëna lim ay defoum parce que nit mom dafa matali ala kulli halin mais budon ni par exemple dañ ko bind manam budon ni ab téré la konan ton erreur yoy du ci am budon ab téré la buñu bind masala erreur yoy du ci am mais amana yeneen erreur dina ci am par exemple amna yo xamantene par exemple don nañ ci dugg ci walu bokku na tamit ci limu ragne ko moy leg leg buñu amé occasion pour randu nitu bila ay rawati na wahhab yi manam parfois dañu ko raté dañu ñu raté occasion bobu lool nak defuñu ko pour xulo mais pour leral nit ñi parce que dañ nekk jamono jo xamne ñom subhanallah hein dañuy woné ni ñom ño nekk ci sunna ñi ci bid'a la né et cetera tout ça mais pour leral né ñom dañoo bari ay problème yu ñu wuté ak borom xam xam yi rahmatullah alayhi lool la pour leral yoy la ah bokk na ci tamit moy dañ daan yam ci ñent ngir yi li ñu wax daan ñu ko dépasser mais leg rarement ñu bolé ci zahiri rahmatullah alayhi bon moins rarement mais plus rarement encore ñu bolé ci waxu imam manam ku demé né al awza'i rahmatullah alayhi wala yoy wala ñom sufyan ath-thawri wala yoy rahmatullah alayhi wala budé amna kenn nit rek mo bëru ci wax joju parfois ñu tuddu ko wala ñaar nit kessé ci imam yu magi rahmatullah alayhim voilà leg mazhabi leg mas'ala yi ñu traité ko ci wax ñepp manam wax yi ci am presque yépp comme par exemple biñu wax ci affaireu der yi buñ ko wulé baxna wala baxul budé der bi deru med la par exemple lolu jurum ñaari wax yi ci am yépp wax nañ ko am ma yi nga xamantene mom yoy ja ki wu ko yoy waxu ñu li ci wax ak tamit qibla bi ndax nit ki mëna djublu qibla bu manam bu nekké ci wonak bi waaw wala deb wala buy tour ndox wala mu dem al mas'ala mazhabi yi ci nekk tamit yoy tamit wax nañ leen danaka manam muy jurum ñetti wax yi ci amone yépp han wax nañ ko mais yoy c'est plus rare leele tamit ñu dugg ci ne ah sahaba yi de li mo nekkon seen gis ci yenn mazhabi mas'ala yi lolu mais tamit c'est rare aussi parfois parce que dañ koy wax parfois pour leral ni wax ji du wax ju beru manam du wax jo xamne chaz la parce que leg wax da nuur chaz fekk du chaz pour wax ne wax ji du wax ju beru bo xamne borom xoxum yi dañ ko baye rahmatullah alayhi mais wax la jo xamne amna ay borom xoxum yu ko appliquer te ci jamono sahaba ay radhiyallahu anhum gënon na bari ñuko don appliquer ginnaw gi le gëna neew ñukoy appliquer lu demé nek biñuy wax ci masha ci kaw kala ci kaw kala bob par exemple tudon nañ sahaba yo xamne radhiyallahu anhum dañ ko dan soutenir pour manam pour guéné pour né rek xana bi lay rahmatullah alayhum waxu ñu lu bér waxu ñu lo xamanteni téguñu ko fétna wax la jo xamne ay sahaba radhiyallahu anhum ñu bari ci ñom dañ ko doon jëfëndiko et cetera même bu fekkante ni li ëpp ci borom xam rahmatullah alayhum dañ ñu mënta nek mais quand même ñu respecter sen position manam ñu respecter ko donc doon nañ fexé tamit de tout temps di indi manam dalil parce que leg subhanallah nga gis ku contre ben mazhab wala ben wax mais waxu ña wax lola manam mu daggi seen wax mais ba pare melni amuñu ñom ben dalil mel amuñu ben dalil lolou tam dañ ko doon moyte def di jema tout temps indi à chaque fois so deele ko ci seen téré wala ñum tam buñu leen gisé les dalil ñu indil leen ko ni li ñom mën nañ ci sukkandiko wa mais lolou souvent doon nañ ko préciser ci wax né par exemple bu ki waxé li ki mën na ko wax li manam parfois terme bobu lañ doon utiliser ki mën na ko wax li mais yoy c'est plus rare wa ala kulli hal kon li dal manam ci gattal dal munef nako résumer li nga xamne mom mo ñu doon doxale tout au long sharh bi ba biñu yexé fi inshallah tam non lañ koy continuer manam méthodologie bi inshallah mën nañ ko baña bayyi parce que méthodologie la bo xamantene peut-être bu baax la et puis tamit dina am njariñ amana xeyna nak ki nga xamantene mom day doga deg yu melni manam day doga deg surtout wouti yu bari yi affaire mi compliqué ci bob bi mbir mi fess gis nañ ni par exemple jotay yu ñeek yi ñoo gënonu gudd ke jotay yu mujj yi yoy tamit dañ ko def expert parce que dañuy bañ tamit manam affaire yi gëna bari lu bari par exemple gis na ni hadithu Abu Hurayra radhiyallahu anhu wala ñaari sax yu doon wax ci walu di wit yenenbi sallallahu alayhi wasallam di tere ku sangu ci biir ndox ba ko ca saw ak bi doon wax par exemple ku affaireu xajje ak yoy masala yi dafa bari wona bari ba nga xamanteni ku ko deg tem nga décourager bi way li dal xaruma tek ko ne quoi mais finalement après bon ñu gis ne xeyna lolu geunul manam mu beure non bu naré gudd rek bu naré bari rek dañ ko yomalé ci 1h quart maximum une voilà mais soudé par exemple ay wax la yo xamanténi ay wouté bari wu ci lolou mën nañ continuer lu yag parce que wouté bari wu ci wala lo xamne ay leral ci rek la ak gëna leral baat yi gëna ci wuté bari wu ci koku mom mën nañ ko ñu yag mais su commencé am ay wuté masala yi wara bari rek dañuy wañi manam tayu darsu bi ko wa lolu peut être benen bir mi moy moy ki bi moy forme bi pas fond bi mais forme bi tamit parfois manam comme parfois salmu non la kay wax salmu di wala salmu di dal moy verbe bi wa salmu wa legui nan lañuy wax mo bi awar amul mo non ah d'accord en somme kon fofu la joge ah d'accord ok waaw en tout cas lolou niñ ko don waxe nonou manam mu gëna jégué manam comme boy jang alcorane boy wazifa genre manam lolou tamit ah ñaar mbir lañ ci gis bu ñëkk bi moy mo gëna yomb pour ki dégglu manam ki koy dégglu waat lolou mo gëna yomb ci mum parce que buñu démé ni continue ni par exemple amna ño xamantene par exemple buñ koy déglu wat leg ñu wax mako né ma am kon buñ ko doon déglu wat gis né ni mo gëna yomb manam parce que dañuy am duñu gaawa yokkat parce que buñ ko alors que su doon sardu mi comme niñ koy défé ni instant bi lolu ki koy déglu wat day gaawa yokkat surtout ci hadith yi nga xamné à partir de hadith Umran bi surtout à partir de fofu parce que avant tamit gënon manam avant non seulement dafa gënon yaatu mais ki bi dafa gënon dafa manam dañ doon def à mi cheval dal ci entre salmoudié ak wax bu normal bi wa dañ nekkon à mi cheval pour d'abord kiko tamul mu commencé ko tamou touti après ñu dogu continue ba ci 7e hadith moy hadith umran bi bi mi net ci bu Osman radhiyallahu anhu di net li japp yenenbi sallallahu alayhi wasallam ala kulli halin ay ba para tamit benen affaire amna moy yenenbi sallallahu alayhi wasallam manam nonu la don khutba wi yenen sallam nonu la don khutba wi ba nopi té lol di nañ ci ñëw inshallah ci bir ki bi bu ñëkke ci walu khutba bi di nañ ñëw ci gëna léral lol inshallah wa té manam buñu xolé yeen sëriñ yu bari nonu tamit lañuy ki comme Baye Niass par exemple Cheikh Ibrahim Niass wala khutba Seyd Babacar boko déggé ñëw Abdaziz et cetera dañ manam di nga gis lolou ci sen khutab yi ci sen ki ak ñu bari ci ki Cheikh Muntasir Al Muhammad Muntasir Al Kattani ak ñeneen rahmatullah al jami ala kulli hal manam ñoo diñ ko ki té au début peut-être lay metti ci ki koy déglu mais après bu déwé ba tambu ko rek loolu mo koy dakal benen ki bi manam mo koy dakal donc xeyna lolu moy ben bi legui nak mu dess ci kitab tahara ci jëmi bopam pour ñu jéxal nak legui ñu tej inshallah kitab tahara nek na téré bo xamanteni téré bu am solo la subhanallah borom xam xamu fiqi rahmatullah mom lañuy jikki ci buñu bind seen téré yi lolu day wone importance bi nga xamanteni mom la am mom la ci sharia ba nga xamanteni wir gu yaramu nit ki da fay gëna manam li nga xamanteni mo gëna gaaw ci défendre ci microbe yi